Chapitre 19e. Lorsque, après la confusion du premier moment, Xavier se trouva dans le boudoir, où tant de comtesse Stanitsky avait vu s'écouler lentement les heures d'une vie monotone, il était assis entre Marthe et Tekla. De quelque côté qu'il tourna les yeux, il rencontrait un regard plein de douceur et de pitié, presque le même dans des yeux presque semblables. Seulement Marthe, c'était le crépuscule, tandis que Tekla était l'aurore. « Alors, » dit-il enfin, prononçant pour la première fois une parole décisive, « vous êtes à moi, Tekla, vous y consentez, ma mère » ajouta-t-il après une légère hésitation en se tournant vers Marthe Menzel. Étonné de la voir tour à tour pâlir et rougir sans lui répondre, le jeune comte insista, un peu blessé, au fond de son âme chevaleresque, de ce qu'il croyait de la méfiance. « Vous me la donnez en légitime mariage ?» Marthe lui tendit les mains avec un geste de suprême tendresse, et le tenant ainsi, le regardant bien en face, lui répondit « Non ». Tekla devint pâle à son tour et sembla défaillir. Avant que Marthe eût pu ajouter un mot, Xavier s'est élevé, bouillant de colère juvénile. Elle le retint par le bras et le força à se rasseoir, ce qui était d'ailleurs fort nécessaire car la tête lui tournait, et il serait tombé de faiblesse en ce secours inopiné. « Non ?» dit-elle, « à moins que votre famille n'y consente. »« Eh, que ne le disiez-vous » s'écria Xavier, reprenant soudain goût à l'existence. « Tekla, quelle méchante mère vous avez là ! J'aurais de la peine à lui pardonner la frayeur qu'elle vient de nous faire. » Il saisit la main de Tekla pour la baiser. Une sorte de pudeur le retint. Seul avec elle, il le serrait dans ses bras comme un jeune amoureux fou qu'il était. Mais en présence de Marthe, il eût cru profaner sa joie. « Ma famille, la belle affaire » continua-t-il en laissant retomber la petite main rose qu'il n'osait garder. « Je n'ai plus de famille qu'un cousin éloigné, qui ne s'est jamais occupé de moi, et la sœur de ma mère qui ne porte pas le nom Stanitsky. Je suis maître de moi-même, et puisqu'il vous faut des cérémonies, madame Marthe, j'ai l'honneur de vous demander votre fille en mariage. » Mais Marthe n'était point satisfaite. « Vous avez une tante. Il faut qu'elle vous donne son consentement, comte Xavier. Sans cela, je refuserai le mien. » « Vous n'allez pas m'appeler par mon titre pendant le reste de mes jours ?» s'écria Xavier, complètement bouleversé et mis tout à fait de mauvaise humeur par cette résistance inattendue. « Et puis, qu'est-ce que vous allez encore me dire de désagréable ?»« Mon enfant, » dit Marthe de sa voix douce et brisée, « nous sommes de pauvres femmes sans protection, mais nous ne voulons point que l'on puisse nous accuser de nous être introduits dans votre famille par des moyens déshonnêtes. Vous êtes trop jeune. » « Je ne puis pourtant pas avoir 50 ans ce soir pour vous faire plaisir !» s'écria Xavier tout revêche. « C'est précisément à cause de cela que je tiens à ce que vous ayez le consentement de madame la comtesse, votre tante. » Xavier maugréa, lutta, pesta, si bien qu'il fut contraint de s'étendre sur sa chaise longue, épuisé de fatigue et d'énervement. Saba, sonné par Marthe, accorda un cordial qu'il fit prendre à son jeune maître et resta debout près de la porte sans en constater l'effet. Après 5 minutes de silence, Xavier rouvrit les yeux et dit « C'est un peu fort qu'après vous être laissé ramener ici par Saba, vous me refusiez la main de votre fille. »« Je ne la refuse pas, » répondit Marthe avec sa patiente douceur. « Laissez-moi vous dire, mon enfant, que si vous étiez sûr du consentement de votre tante, vous le lui demanderiez à l'instant. » Saba hocha la tête en signe d'affirmation si fort que Tekla le regarda avec inquiétude, craignant qu'il ne se fît mal. Xavier, reconnaissant la justesse de ce raisonnement, s'était retourné du côté du mur, son confident lors de ses grandes bouderies. Tekla dit alors de sa voix douce « Xavier, je vous aime, et je mourrai de chagrin si je ne puis être votre femme. Mais ma mère a raison. »« Vous aussi ?» s'écria Xavier en se redressant brusquement. « La jeune fille parle bien, » grommela Saba de sa voix caverneuse. « Xavier, mon petit enfant, on ne doit pas se marier sans la bénédiction de ses aînés. Allons bon !» fit le jeune homme en éclatant de rire. « Si tout le monde s'en mêle, il faut croire que tout le monde a raison. Ça va, donne-moi une plume et du papier. » La demande fut bientôt rédigée, car Xavier était pour les formes expéditives. Un express fut envoyé à cheval au château de la comtesse, et le jeune homme ordonna qu'on servît à déjeuner dans le petit boudoir, jadis maussade, malgré ses dorures, aujourd'hui rayonnant de lumière, grâce au miroir qui reflétait de toute façon l'élégante figure de Tekla.